Bonjour à tous chers amis et bienvenue à une nouvelle leçon de niveau média avancé. Je m'appelle Amaury. Et moi c'est Christella, salut tout le monde. Salut à tous donc. Quel sujet va-t-on aborder aujourd'hui Christella? Alors aujourd'hui on a un article qui va être centralisé sur le journalisme et les erreurs que certains journalistes peuvent faire. Et qui ne devraient pas arriver. Non, et qui ne devraient pas faire. Et là il s'agit du New York Times qui a publié une lettre qu'il pensait provenir du maire de la ville de Paris, Bertrand Delanoë. Ouais. Et en fait c'était une fausse lettre qui ne provenait pas du maire de Paris et qui provenait tout simplement d'une personne qui a voulu jouer un tour au New York Times. Le problème c'est que le New York Times n'a pas vérifié ses sources. Et donc c'est l'hebdomadaire Le Point qui est revenu là-dessus le 23 décembre 2008. D'accord, et donc tout le monde ici a la possibilité d'avoir accès à cet article du Point. Exactement. D'ailleurs, on va laisser un lien sur le site internet frenchpod.com pour que vous aussi vous puissiez lire l'article. D'accord. Donc juste entre parenthèses, Le Point, donc c'est un hebdomadaire français. Tout à fait. Qui a un tirage assez important puisque les ventes se montrent à environ 400-450 000 exemplaires par semaine. Ah quand même. Donc c'est un hebdomadaire qui est de centre droit. Il a été fondé dans les années 1970 en 1972. C'est ça, ouais. Donc il a un peu plus de 35 ans d'existence. Voilà, et donc on s'est dit aujourd'hui, pour changer, on est en 2009, besoin de changement, on va pas prendre un quotidien, on va prendre un hebdomadaire. Et c'est un hebdomadaire qui a une très bonne image en France, c'est un magazine qui est vraiment considéré comme un magazine de qualité. Et donc un hebdomadaire qui parle d'un quotidien de qualité, le New York Times, alors que s'est-il passé exactement ? Bon, en fait, tout simplement, à mon avis, ils ont été tellement contents de recevoir cette lettre qui faisait un peu sensation, puisqu'elle critiquait ce personnage politique, Caroline Kennedy. Qui, on le rappelle, est candidate au poste de sénateur. Oui. Et donc, oui, ils se sont empressés de publier cette lettre qui est arrivée par courrier électronique, par email. Mais c'est quand même fou qu'ils aient pas vérifié les sources, quoi. C'est quand même étonnant, en fait. Ils ont voulu vérifier les sources, ils ont voulu être sûrs que ce courrier électronique provenait bien de Bertrand Delanoë, mais ils n'ont pas attendu que celui-ci réponde, en fait. Voilà. Ils ont considéré qu'en ayant fait une partie du chemin, simplement en lui demandant si c'était bien lui qui avait envoyé la lettre, mais sans attendre la réponse, ils ont dû estimer que c'était comme valable, c'était sûr que c'était lui qui avait bien envoyé ce courrier électronique, cet email. Eh ben, c'était pas le cas. Ils sont tout simplement tombés dans le panneau d'un plaisantin, de quelqu'un qui voulait jouer un tour, qui voulait faire une blague. Et donc, ils ont cru, en fait, à cet email, ils ont cru à cette farce, ils ont cru à cette blague. Et donc, ils sont tombés dans le piège. Et ce qui est surprenant ici, c'est que, évidemment, si on parlait d'un petit journal, un quotidien régional, peut-être que ça ferait moins sensation. Un quotidien local, ça ferait encore moins sensation. Mais c'est pas le cas, c'est le New York Times. C'est vraiment considéré comme un journal extrêmement sérieux, un journal de qualité. En France aussi, c'est reconnu comme tel. Le Point précise bien que le New York Times est une institution de journalisme qui est vantée en France, c'est-à-dire qui est présentée de manière très positive, dont on met en avant très fortement d'ailleurs les qualités, les mérites. Et là, cette affaire est vraiment assez décevante en fait. Mais donc le New York Times a rapidement exprimé des regrets. La rédaction de ce journal s'est très rapidement repentie. Je crois que c'était dans la même journée, non ? Oui, en fait, l'article a été publié dans l'édition papier, qui est parue le matin. Et la rédaction s'est excusée la même journée, le même jour, c'est-à-dire le 22 décembre 2008, dans l'après-midi. Ok, ouais, c'était rapide. C'était assez rapide. Alors ce verbe-là, se repentir, ici il est utilisé en fait pour dire s'excuser. Mais c'est vrai qu'en général, il est utilisé pour dire regretter de manière très vive, regretter amèrement, ouais. En général de manière publique. Ils se sont remontés puisqu'ils n'ont pas procédé aux vérifications d'usage, c'est-à-dire puisqu'ils n'ont pas procédé aux vérifications qui doivent normalement être faites. Voilà, aux vérifications qui sont conformes aux conventions, aux vérifications habituelles. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, ce genre d'article, ce genre de scandale, ça fait quand même un petit peu douter sur les sources qui sont parfois utilisées dans les journaux. Ouais. D'ailleurs, le Point revient sur l'affaire Jason Blair, qui avait d'ailleurs entaché l'image toujours du même New York Times. Et vraiment, des fois, je sais pas si ça t'arrive à Maury, mais de lire un article de journal et de te dire, mais est-ce qu'ils sont vraiment sûrs, ou est-ce que c'est vraiment arrivé? Est-ce qu'on a vraiment des sources, des témoignages, de réelles preuves? Qu'est-ce que tu veux? Normalement, c'est le rôle de tout journaliste d'avoir de bonnes sources et de les vérifier en tout cas. Oui, voilà, d'avoir des sources fiables et, ouais. Et sûres, mais... Mais ce qui est bien, c'est de peut-être de rapporter cet événement ici à un niveau personnel. Et c'est que quand nous aussi, nous lisons quelque chose, nous avons nos sources, de toujours les mettre en doute. Toujours remettre en question l'information qu'on nous donne. Oui, c'est vrai. Par rapport à la lecture des journaux, on peut par exemple essayer de lire plusieurs journaux pour avoir différentes sources, avoir différentes versions d'un fait, par exemple, pour avoir une image la plus objective possible de ce qui s'est passé. Mais là, dans le cas du New York Times, que faire, puisque c'était le seul à avoir reçu l'email? Donc évidemment, les autres journaux n'étaient pas au courant. Donc les lecteurs n'avaient aucun moyen de vérifier cette information. Ouais. Ce qui vient en fait peut-être aussi corroborer le fait que quand une information ne paraît que dans un journal, il faut peut-être douter encore plus. C'est vrai, ouais, tout à fait. Ouais, quand il y a une seule personne qui nous dit quelque chose, il faut se poser plus de questions, puisqu'on n'a qu'une source d'information. Ouais, et c'est vrai que comme tu disais juste avant, à un niveau personnel, Amaury, les potins, ça marche de la même manière. Exactement. Les potins, les rumeurs, quand c'est juste une personne qui vient nous dire quelque chose, que quelque chose est arrivé, bon, on peut avoir des doutes, mais bon, si c'est 10 personnes qui ont assisté à la même scène, le même soir, à la même heure, qui ont vu exactement la même chose... Et donc, ça peut être pour différentes sources d'informations, comme tu dis, ce qu'on entend des personnes environnantes, les journaux, mais aussi, bon, toute information qu'on reçoit. Ça pourrait être la télévision. Ou sinon, quand on a des informations qui paraissent un peu trop farfelues, quand même. Ouais. Ça peut aussi permettre de douter. Là, l'article du Point revient sur le ton de la lettre. Lettre que j'espère vous aurez vous aussi l'occasion de lire. La lettre envoyée par le prétendu Bertrand Delanoë. Et ils disent que le ton de la lettre était assez outrancier, assez extrême, assez poussé jusqu'à l'excès. Et même, pour ne pas dire outrecuidant. C'est-à-dire qui se montre hautain, méprisant même. Ouais. Et donc, ça, c'est peut-être le ton de la lettre ici, le fait que ça paraisse un peu exagéré, qui aurait dû mettre la puce à l'oreille du New York Times, de la rédaction du New York Times. Bah oui, ça aurait dû les prévenir quelque part. Voilà, ça aurait dû les mettre sur la voie, les faire douter. Mais non, rien, ils ont continué dans leur... Ils ont décidé, allez hop. On publie. Allez hop, on publie. Et aussi un autre passage qui ne semble pas très sérieux dans la lettre, qu'on pourrait difficilement attribuer à un personnage politique français qui écrirait une lettre comme ça à un journal, c'est de terminer sa lettre, sa missive, par « Peut-on parler du déclin de l'Amérique ?» Oui, là, pareil, ça paraît un petit peu exagéré, peut-être un peu trop fort. Je pense que même si un politicien français pensait cela, il essaierait de le dire de manière beaucoup moins directe. Ouais. Parce que bon, c'est pas parce qu'elle s'appelle Kennedy, bon, ça a dû l'aider, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle elle a pu avoir la possibilité d'avoir accès à ce poste. Ça, j'en doute fort. Et puis même, ça paraît assez peu crédible qu'un politicien français s'exprime de manière aussi directe, parce que du coup, ça mettrait à mal les relations franco-américaines, les relations politiques franco-américaines. Bien sûr. Donc, quand un politicien veut dire ce genre de choses, il met toujours beaucoup de sucre autour. Il embellit les choses, il utilise beaucoup de métaphores, de... un peu de sarcasme par-ci par-là, mais il se montre jamais aussi direct, je me dis pas. Et pour revenir à ce que tu viens de dire, c'est ce que personne ne veut. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'on croit toujours, enfin, on croit parfois que les relations entre la France et les États-Unis ne vont pas très bien, ou alors que pour moi, je trouve que ça reste deux pays qui sont très fortement alliés, deux pays amis. Oui, je trouve aussi. Souvent, des Américains, quand je les rencontre, me disent « Ah bon sang, en Europe, on nous aime pas, ou en France, on nous aime pas. » Alors que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Il y a tellement de Français qui déjà aimeraient pouvoir parler anglais couramment, qui aussi apprécient la culture américaine, qui veulent en savoir plus, qui s'intéressent aux élections américaines, qui s'intéressent à ce qui se passe aux États-Unis. Pas seulement parce que c'est l'une des plus grandes puissances économiques de ce monde, mais vraiment pour des raisons purement culturelles. Ouais. Donc si vous êtes américain et vous écoutez ce podcast, rassurez-vous, en France, on ne déteste pas les Américains. Tout à fait, ouais. C'est pas vrai ce que les médias racontent. Et donc, comme Christella l'a dit, vous avez la possibilité également de lire la lettre originale qui était envoyée, toujours sur le lien que nous allons publier sur la page de discussion. Voilà, et sur cette page même, il y aura également les excuses qui ont été présentées par le New York Times, donc vous pourrez les lire vous-même, et nous donner votre avis, dire ce que vous en pensez, si vous aussi vous avez le même avis que le journal Le Point sur le ton de la lettre, ou le même avis qu'Amaury et moi sur les relations franco-américaines. Oui. Si vous aussi vous avez eu ce genre d'expérience, ou si vous avez rencontré des personnes qui avaient ce genre de petits préjugés, n'hésitez pas à venir nous le dire. Voilà, faites-le nous savoir, frenchpod.com, un seul site, le meilleur. Ça ne changera pas en 2009. Et puis, on vous dit bonne année à tout le monde. On voulait commencer cette année par une leçon assez légère et rien de trop sérieux. Et donc, on espère que cet article et cette leçon vous ont plu. Bonne année encore à tout le monde. Salut. Salut.